Jean-Marie Le Pen n'a strictement rien à voir avec tout cela et le nom de Le Pen est inscrit sur le monument aux morts de la Trinité-sur-Mer, alors que celui de Georges Marchais n'est jamais été inscrit que sur les fiches de paye à Augsbourg de l'usine Messerschmitt pendant la guerre. Je suis effectivement un partisan de la peine de mort. Si on ne fait pas l'Algérie française, nous aurons la France algérienne. Je crois que ce sont les gens qui veulent fermer les yeux, qui veulent frapper cette question de tabou, qui portent la responsabilité des conséquences racistes de cette politique, et non pas ceux qui sonnent l'alerte. On n'est pas ramené pour crime de racisme sur le bûcher pour me brûler, n'est-ce pas, pour juste calmer je ne sais quelle colère de je ne sais quel dieu, n'est-ce pas. Et au second tour, j'ai demandé d'ailleurs publiquement que l'on votât pour Jamila. Pour permettre à mes enfants, qui étaient 15e, de voir les vaches. Côté de Si, par malheur, imaginons l'hypothèse d'une guerre entre la France et l'Algérie, dans quel camp seraient les gens qui promènent des drapeaux algériens? Sur qui tireraient-ils? Allons, monsieur Fourcade, j'espère que vous n'êtes pas comme Jean-Marie Le Pen, que vous ne voulez pas mettre les immigrés sur des bateaux pour les couler au milieu de la Méditerranée. L'islam est en Europe depuis 3000 ans. N'est-ce pas